Bienvenue les marques et les smarks dans ce troisième épisode de Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch. Cette semaine, c'est un podcast light discount puisque nous ne sommes que deux, hélas. Je suis avec l'ami Yerem. Salut Yerem. Salut Hank, salut à tous. Et nous allons parler, comme d'habitude, de Monday Night Raw. Cette fois-ci, donc, le Monday Night Raw du 9 mai 2016. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'arrivée de Chris Jericho, qui n'est donc pas en vacances, contrairement à ce que je pensais au dernier podcast. Il est venu donner une promo habituelle, disant que voilà, il est le meilleur du monde et tout ça. Et surtout, il voulait enterrer Dean Ambrose et il a même dit que sa plante Mitch avait plus de charisme que lui. Il avait le cadavre de sa plante juste à côté. Au bout de 10 minutes de monologue, on a l'arrivée assez étonnante de Big Cass, du duo Enzo et Cass. Ouais. Il lui explique qu'une nouvelle ère est arrivée et qu'il faut qu'il laisse la place, sinon il va le défoncer. Jericho sort une phrase qui m'a fait assez rire. Il lui dit « Go check on your buddy Enzo Annoying ». Donc Cass propose à Jericho de se battre, mais finalement, comme un bon heel, le Canadien s'en va. Et durant un passage backstage, un peu plus tard, avec Stéphanie, il apprend qu'il sera en main event contre Big Cass. Ça aussi, assez surprenant. Grosse surprise. Hein. Donc voilà, juste des commentaires sur ce segment, et juste après on va passer directement au match entre guillemets, enfin bref, on en parlera. Voilà, quelles sont tes impressions sur ce segment? Moi je trouvais qu'on s'ennuyait au début, et c'est quand Big Cass est arrivé que ça s'est... Ouais, bah clairement, Chris Jericho ouvre le show, bon voilà, 10 minutes de blabla, c'est toujours... Si tu captes bien l'anglais, franchement, tu as des bonnes répliques, donc ça suit toujours avec on va dire un plaisir coupable, mais ça a toujours tendance à être un petit peu long. Mais voilà, clairement, la grosse surprise, c'est Big Cass qui débarque pour remettre les pendules à l'heure auprès de Chris Jericho. J'ai bien aimé en fait cette petite transition finalement où Chris Jericho s'en prend à la New Era. Et Big Cass qui débarque justement, qui se porte comme représentant un peu de cette New Era pour défendre sa position et je pense a marqué les esprits parce qu'au micro le mec il déboîte. On ne savait pas trop ce que ça allait donner Big Cass avec Enzo, enfin sans Enzo Amore justement. Et on donnait à Enzo Amore, on va dire, c'était lui le beau parleur, et Big Cass, on va dire, la brute silencieuse. C'était un peu le schéma classique qu'on retrouve souvent dans ces genres de team. Et ben là, non, Big Cass, c'est aussi un mec qui tient bien le micro, et il a bien renvoyé Chris Jericho dans les cordes. Ouais. Donc, gros impact hein, de Big Cass. Moi, j'étais impressionné et franchement il y a eu deux trois tailles, deux trois répliques. T'entendais le public derrière qui faisait oh toi vraiment j'ai pas entendu le public mais par contre la punchline que j'ai bien aimé c'est la première qui fait où il dit Jericho au départ dit je vous donne le cadeau de Jericho, the gift de Jericho, et puis il fait son grand moment heel en posant façon Christ quoi, ouais. et Big Cass qui dit si c'est ça le cadeau de Jericho, j'aimerais bien qu'on me donne le ticket de caisse que j'aime me faire rembourser. Donc voilà, non mais il a je trouve il gère bien parce que bon, on lui donne pas des caisses de texte Cass, mais bon il les casse bien, il prend son temps et c'est Je sens que voilà, c'est des répliques, c'était bien écrit à l'avance. Donc voilà, il a récité son texte. Il y a pas d'impro toi là-dedans. Ouais. Mais il donnait bien l'intonation et puis c'est un bon texte quand même, c'est bien écrit. Et puis c'est quand même face à Chris Jericho, donc franchement, moi ça a marché. Il voulait faire un impact, le mec, ça a marché sur moi, quoi. J'étais assez impressionné. Surtout que derrière, on annonce un match pour le main event backstage. Tu te dis, oh putain, les mecs, ils déroulent, quoi. Voilà. Alors là, pour le coup, on pouvait être un petit peu... Enfin, je dis excité. Quand même, voilà, Big Ouais. Cass en solo en main event. Et donc, on va parler directement de ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est-à-dire à la fin du show. En vérité, Allez, avance rapide. ça commence. Je suis les directives du forum des cahiers du catch Et fais qui ça par veulent storyline, qu'on par regroupe par ceinture. storyline. En vérité, donc, ça commence par l'arrivée de Big Cass. Puis ensuite d'un Chris Jericho, avec sa veste lumineuse, mais on ne le voit pas jusqu'à ce qu'il soit au milieu du ring. Et là, la lumière s'allume. Ce n'est pas Chris Jericho, c'est Dean Ambrose. Fucking Ambrose, Bon, The Lunatic Fringe. ça se voyait un petit peu parce que niveau carrure, c'est pas la même. Ouais, puis on voyait un peu dans l'ombre, ça s'était bousculé. Il semblerait qu'il y avait eu un petit peu de baston sur la rampe. Donc oui, effectivement, c'était pas une grosse grosse surprise, Donc mais ça voilà, fait son petit effet. il a un peu cassé la gueule à Chris Jericho. On voit Jericho par terre devant le mur des néons là. Et et Titan donc Tron. le titan en tronc. Et Ambrose commence à découper la veste de Jericho en 1000 morceaux. Et Jericho qui fait, ah, c'est une veste à 15 000 dollars. Qu'est-ce que tu fais? Ah d'ailleurs, j'apporterais bien une petite précision. Il dit 15 000 dollars, sauf que je suis. Alors j'ai enquêté, j'ai trouvé sur le forum de FN Lutte un mec qui a retrouvé la veste de Chris Jericho qu'on peut acheter sur la boutique du créateur, parce qu'il a fait faire ça par un jeune créateur californien. Et la veste vaut 25 000 dollars en fait. What? Donc, si vous voulez la même veste que Chris Jericho, soit vous achetez des guirlandes de Noël et vous customisez ça en mode do it yourself, vous récupérez un vieux une veste en cuir et vous faites votre propre veste, ou alors vous l'achetez à 25 000 dollars en ligne sur le site du créateur. Bah pour un truc, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que tu prends la veste seule, je la trouve moche. Ça marche bien avec l'intro de Jericho, mais il faudrait pas qu'il apporte genre ça marche pendant qu'il fait son intro tout ça, mais il faudrait pas qu'il apporte genre je vois un mec dans la rue avec ce truc, je ris quoi. Mais donc voilà. Et ensuite on a eu aussi Big Cass qui s'est quand même qui a quand même un peu intervenu pour Ouais, clairement, il a été mis en retrait là, hein, par rapport à ça, parce Voilà, que. il a pas fait grand-chose. Il était à un moment où Jericho tente de s'échapper. Je sais plus. Il tente d'attaquer Ambrose et ensuite il se prend un peu. Il doit se prendre une mandale ou un truc comme ça. Il se tire ringside et puis à ce moment-là, il y a Big Cass qui est devant lui et puis bon, qui fait genre la grosse baraque, genre tu passeras pas. Ouais. Et voilà. Bien Et c'est. gentil, parce qu'il vient de se faire voler son spot finalement. Il avait quand même Ouais. un match en main event. Ah oui, Bon. il le fait, oui, en plus, Big Cass fait un peu le boulot pour Ambrose, c'est-à-dire qu'il prend Jericho, il rebalance dans le ring et tout. Ouais. Je sais pas, triste. Enfin, j'ai pas. Oui, c'est oui, parce que tu dis bon, le mec qui veut marquer un impact, on lui donne le main event, Chris Jericho, il se fait voler le spot par Dean Ambrose, il se fait hijacker son spot, quoi. Et il accueille ça limite avec le sourire. Bon. Malheureusement, c'est souvent le cas quand on veut quand on met en avant un débutant. Après, voilà, Dean Ambrose débarque, place à Dean Ambrose. On accepte un peu gentiment de laisser sa place. On aurait aimé, voilà, qui peut-être, je sais pas, qui montre qu'il soit pas forcément, qu'il apprécie pas forcément l'intrusion de Dean Ambrose. Ça, c'était un petit peu dommage de voir Dean Ambrose voler un peu, entre guillemets, le spot. Je trouve vraiment c'est en plus c'est le genre de comment ça aurait très bien passé ça se serait passé sans scandale si c'était au milieu du show quoi le genre de segment où voilà on programme un match et une intervention finalement il se passe rien bon c'est pas grave mais là foutre ça en main event je comprends pas quoi Ouais, c'est-à-dire que l'annonce de ce match en main event était sur le coup super. Et ben, à la limite, les gars, il fallait poser leurs couilles sur la table et faire le match, tu vois. Si tu mets vraiment ça en Ouais, main et puis event. mettre une intervention d'Ambrose à la fin, c'est. Exactement. Là, franchement, les mecs se sont un peu fait dessus. Donc, effectivement, à refaire, tu mettais ce segment dans la foulée de l'intro, finalement, en milieu de show. Et voilà, et dans tous les cas, tu pouvais même faire commencer le match, tu vois. Enfin, tu pouvais faire intervenir Dean Ambrose avec ce même segment, les lumières s'éteignent. Je sais pas. Ouais, ils auraient pu faire ça autrement. Un peu dommage, effectivement, ils sont pas Ouais. allés jusqu'au bout. Oui, il récupère la veste sur le C'est bord du ça. ring, et puis après, il la déchire pendant que, enfin, et du coup, ça distrait Jericho, et ça fait une victoire un petit peu. Je veux pas dire par roll-up, Big Cass, il va pas faire un roll-up, mais. Non, non. Non, Mais non. bon, voilà, une victoire par distraction de Big Cass, ça lui fait une bonne victoire. Ça fait, Ouais. enfin bref, on aurait pu écrire au moins deux ou trois versions. Oh putain, il n'y a plus de voix. Deux ou trois versions Ouais, on mettait meilleures que ça. plus en avant Big Cass, quoi. Là, et Big Cass, pour la peine, bon, à la fin, il disparaît du main event. Bon, pour autant, on peut dire que le mec a fait une grosse impression enfin, pour l'opener, et c'est quand même bien cool pour lui. Je pense que il a bien kiffé malgré tout. D'accord. Donc juste après, on va passer. D'habitude, je la mets au milieu du show, mais là, dans mes notes, c'est maintenant. C'est le Jobber's World, le monde des jobbers. Le Benny Hill, c'est la Benny Hill séquence, quoi. Et oui. Normalement, vous entendez la musique de Benny Hill que j'ai installée depuis le dernier podcast. Donc, dans le Jobber's World aujourd'hui, nous avions Dolph Ziggler contre Baron Corbin une nouvelle fois. On rappelle que Corbin a été éliminé de la Battle Royale par Dolph Ziggler la semaine dernière, la Battle Royale pour avoir le Number One Contendership pour le titre US. Donc, le principe du match est donc la vengeance. Un match pas forcément naze, j'ai trouvé, avec du catch hors ring et un deep six de Baron Corbin que j'ai trouvé super impressionnant. Ah ouais, franchement, c'est une prise très impressionnante. Et donc, le end of days, très convaincant pour une victoire clean de Corbin. Et presque 10 minutes de match, donc j'ai noté que se passe-t-il, les jobbers deviennent-ils des stars? Donc voilà, pas mal. Bon, Ziggler est transparent, il fait la même chose depuis très longtemps, mais Corbin, de toute façon, même à NXT, bon, au tout début NXT, il était terriblement mauvais, mais dans ses dernières semaines à NXT, il arrivait de temps en temps à faire un match un peu plus intéressant. Ça reste un mec un peu pato sur le ring, mais dès qu'il sort, il peut sortir deux trois séquences impressionnantes par sa carrure et son impact. Donc voilà, je suis contre les Corbin haters. Je pense qu'il peut faire sa place. Et par contre, la promo qui était juste avant, où il y avait une promo filmée qui était dégueulasse, où il disait c'est pas la nouvelle ère, c'est l'ère de Corbin. Oh mon dieu, c'était digne d'un méchant. Pose ce micro tout de suite, Corbin. Pose ce micro. Non, mais comme tu dis, effectivement, bah, clairement, le mec a fait beaucoup de progrès. Tu parlais de ses derniers matchs à NXT. Là où finalement il était bon, c'est qu'il a accepté son statut de heel. Hein, parce qu'au début, tout au début de sa carrière, il était présenté comme un face et évidemment, ça ne fonctionnait pas. Et clairement, il casse les matchs, tu vois. Il casse les matchs, il ralentit les matchs, et de temps en temps, hop, il va te sortir une séquence assez costaud. Il a quand même 2-3 grosses prises assez impressionnantes, finalement. Et voilà, ouais, c'est le genre de carrure, de mec qui fait des matchs très très lents, taunte un peu le public. Là, j'ai l'impression qu'il taunte moins le public qu'il ne le faisait à NXT, où clairement. Il y avait beaucoup d'interactions avec le public. Le Après. même public qu'il avait rendu heel finalement par la force des choses. Donc c'est un Ouais. public aussi qui le connaissait bien et que lui connaissait aussi. Et ouais, et une victoire clean, comme tu dis. Donc ça, on Le va falloir. souci. Désolé de te couper. Non, Mais vas-y. le souci vis-à-vis de sa gimmick à NXT qui est pas vraiment transposable, c'est que il s'était orienté vers le mec qui détruit les gars de l'Indie. Et il balançait beaucoup de vannes sur l'Indie. Je me souviens de. Attends, c'était contre qui? C'était contre Apollo Crews, je crois qu'il avait sorti Go back to Ring of Honor. C'est vrai. Si, Ah, si, je me en souviens. plein match. Oh, c'était magnifique. C'est énorme. Mais c'est vrai que t'as raison. Et ben là, c'est vrai que du coup, bah, Arrow, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de mecs homemade. Toi, le passé indie ressort vachement moins. Le public est un peu moins connaisseur probablement sur le sujet. pour autant, est-ce qu'il pourrait continuer à utiliser ce gimmick, je sais pas, mais peut-être renforcer un peu plus ses interactions avec le public qu'il avait à NXT et qui fonctionnait bien, toi, parce que c'est un mec que les gens détestent naturellement, parce qu'il a une gueule qui revient pas aux gens. Et voilà, faut qu'il mais il a une tête de connard. Non, ouais, comme il est une tête de connard, Baron Corbin. Ouais, et puis c'est vrai que il a une tête de. Ouais, enfin. Il a vraiment un visage assez inexpressif. T'as envie de lui mettre une. Ben, voilà, de lui mettre une bonne claque dans la tronche, quoi. Enfin, moi je le ferais pas personnellement. Parce que... Non, mais une bonne victoire pour. Pour Baron qui en avait besoin. Ziggler a fait le job. Je suis sûr que le mec il pensait déjà à ses vannes qu'il allait sortir à son prochain One Man Show, là. Donc, ouais. Ouais, voilà. Puis, non, finalement, mais... est-ce que ça a vraiment sa place dans la séquence Jobber? Ouais, finalement, on en a tellement parlé que normalement, la séquence Jobber, on parle pas des matchs, mais bon. mais voilà. Et puis, Ziggler, même si les premiers matchs étaient pas terribles contre Corbin, je trouve que c'est quand même le meilleur candidat pour être contre Corbin parce que voilà, faut vendre les impacts. Ouais, c'est vraiment, c'est que de la, enfin le catch de Corbin, c'est que de l'impact. Si le mec en face il scelle pas bien, c'est voilà. Donc bref, juste après on a un vrai match de Jobber, Fandango contre on apprend que les deux équipes qui se battront à SmackDown la semaine prochaine s'appellent Gorgeous Truth et surtout Goldango. Ah, c'est formidable. J'adore quand ils donnent des noms comme ça, des teams qui n'ont pas vocation forcément à durer, mais les mecs en profitent. Et Goldango, c'est de l'or en barre, quoi, franchement. Ouais. J'adore ce nom. Et Fandango contre Hortrouf, ça sera un comédie. Enfin, c'était donc un comédie match plutôt avec Hortrouf qui fait plein de mimiques. J'ai pas noté, mais il était plutôt marrant. Ça se remue le popo d'un dans le ring, quoi. C'était plus. J'ai trouvé ça moins pénible que le. Donc c'était Breeze contre, je crois, Fandango ou. Contre Hortrouf. Ah, c'était Breeze contre Hartrouf la semaine dernière. Excuse-moi. Là c'était Hartrouf contre Fandango et la semaine dernière, je ne sais plus. Je crois que c'était Breeze contre Fandango ou alors Breeze contre Goldust. Mais de toute façon, on n'y comprend tellement rien à leur mélange parce qu'en fait, ils font des. Au début, il y avait Hartrouf et Goldust qui devaient faire une tag team. C'est toute l'histoire, oui. Des vignettes, ouais, mais des vignettes pendant. Putain, ça fait 3 mois qu'il y a des vignettes là-dessus. Ouais, on voyait les toilettes des stades, c'était sympa, toi. Goldust qui mettait le pied dans les WC et tout, enfin. Magnifique. Des séquences qui resteront dans l'histoire de la télévision. Et donc, victoire de Hartrouf, voilà. On va pas parler du match non plus. On va parler de l'Intercontinental Championship. Il s'est passé énormément de choses. On est d'accord qu'on vient de sortir de la séquence Jobber, là. Ah, on est sorti de la séquence Jobber. Ah, tu m'as fait peur. Jobber's World ended. donc, pour l'Intercontinental Championship. Donc, énormément de choses ce soir. On a le droit d'abord à une séquence avec Cesaro, Le Miz, Maryse, Shane, Stéphanie. Tout le monde se dispute pour savoir comment ils vont résoudre leur problème du match pour Extreme Rules. Finalement, ouais. Stéphanie gueule et dit « Ce sera un triple threat comme tous les fans l'ont déjà deviné !» les fans ont déjà deviné que ce serait un Fatal Four. Enfin, oui. Mais en les même fans temps, sont toujours en avance. On en parlera après, mais la légitimité de Monsieur Zayn est en question. Mais au moment où Stéphanie dit ça, donc triple threat match, Sammy arrive et dit j'ai besoin d'une nouvelle chance et tout ça, donnez-moi une chance de participer à ce match. Et donc pourquoi pas, on te donne des chances gratuitement depuis bien longtemps, on va continuer à faire ça. Donc il va affronter le Miz ce soir et aussi plus tard on aura Zack Ryder qui fait une Sami Zayn, c'est-à-dire qu'il fait la même chose, il demande à participer au match, mais cette fois-ci il dit ouais, mais je devrais être à la place de Kevin Owens, ce qui n'a pas vraiment non plus de légitimité, mais bon, donc c'est un peu capillotracté. Il se base sur le fait qu'il lui a volé la ceinture à WrestleMania. Donc voilà, il a pas eu de, je crois qu'il a pas eu de rematch ou un truc comme ça. Et KO, qui j'ai noté Kevin Owens qui lui dit pourquoi est-ce que tu existes? Ah oui, voilà. Il a défoncé. J'ai marqué hélas, on lui file un match contre Kevin Owens, soit une sentence de mort, avec Mort par décapitation. avec pour enjeu donc de remplacer Owens à Extreme Rules dans le Triple Threat Match. On commence avec le match sur lequel j'ai écrit une phrase, c'est-à-dire Zack Ryder contre Owens. Ryder et son nouveau costume se font massacrer pendant la majorité du Ah, match. t'as noté qu'il avait un nouveau costume. Oui, il a un costume de... Bah, pour le coup, il est Violet. vraiment un costume de Power Rangers un peu... Enfin, non, je pas Power Rangers, mais il a un costume de cosplay. De cosplay Power Rangers, quoi. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Et donc Owens le bat avec une powerbomb. Bon, il a quelques remontées. Je crois qu'à un moment, il réussit à caser un broski boot et tout ça, mais bon. Ouais, il a eu ses petits, il a eu sa séquence de Zack Ryder, le valeureux perdant. Mais moi, j'aime vraiment bien Zack Ryder, hein, mais c'est juste bon, il a jamais trouvé vraiment sa voie, il a jamais été vraiment dans une storyline intéressante, et puis Ouais, mais la disons-nous quand force a même que plus. là il est à sa place, qui n'était pas le cas il y a 2 ans, toi, hein, ou 2 ou 3 ans. Je sais pas s'il est à... ouais, je sais pas s'il est à sa place parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on le ramène à chaque fois sur le devant pour le remettre genre au fond du trou. Parce que là, par exemple, il vient de se faire battre par Kevin Owens sur Ah bah c'est fini, on un le reverra match coup plus. de chance, tu vois, un match genre on l'avait même Ryder, on l'avait pas vu depuis genre 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on sait pas, enfin comment ils vont le récupérer, bon, au moins il a des, enfin alors il vient pas souvent, mais au moins il a des matchs de plus haut profil que les Jobbers, donc bon. Exactement, il est pas dans la fameuse séquence Jobber dont on a parlé tout à l'heure. Donc il est à sa place. Si ça se trouve, avec ces matchs, il gagne plus de thunes que les jobbers en 3 semaines. On ne sait pas. Ah bah ça faut demander à Ryback. C'est lui qui connaît c'est lui qui fait les fiches de paye Le visiblement. comptable. Donc voilà, passons à un match un peu plus disputé, même si on savait déjà aussi la fin, c'est-à-dire Sami Zayn contre le Miz. Le Miz arrive pour une fois avec un tapis rouge. J'ai bien aimé. C'est pas la première fois. Ah bon? Oui, c'est Autant déjà pour moi. arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas la première fois et c'est excellent. C'est une très très bonne idée. D'accord. Bah ouais, donc Je pour le coup, valide le tapis rouge. nous validons le tapis rouge. Le combat, donc, c'est principalement Zayn qui va à 100 à l'heure, qui fait du Zayn. Il a fait un petit truc original, c'est-à-dire son spot où il se fait projeter vers la barrière, il saute sur le rebord de la barrière et backflip sur le Miz. Ça, c'était plutôt classe. Et malgré un petit retour du Miz qui à un moment lui fait un figure fort, mais Zayn arrive à atteindre la corde, c'est bien Zayn qui gagne grâce à son hell of a kick. Ouais, et tu as raison. Alors, le Miz qui ressort le figure fort, là, ça faisait quand même plusieurs mois, je pense, pour la peine qu'on l'avait pas vu le faire, parce que c'était dans sa période face où il avait été adoubé par Ric Flair. Alors, preuve que Ric Flair, vraiment, n'a plus toute sa tête, parce qu'il a adoubé, le premier qui passait, il l'a adoubé, quoi. Qui a été adoubé par Ric Flair, donc il lui avait autorisé de porter cette prise-là, le fameux figure fort, qui faisait très mal, évidemment. Là, par contre, j'ai trouvé qu'il le portait plutôt bien. Mais ça ressortait un peu n'importe où, parce que finalement, c'est une prise assez face. Mais Ric Flair étant, on va dire, redevenu heel, finalement, le Miz qui réutilise cette prise, c'est redevenu une prise de heel, finalement, le figure four. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je sais pas si c'était fait exprès, mais voilà, il y a un petit clin d'œil sur cette prise-là. Oui, c'était un. Même sans parler de Sami Zayn, Miz a fait vraiment bien son boulot. Bon, il s'en est pris un peu. Je trouve c'est un peu dommage qu'il s'en prenne autant dans la Il gueule, comprend rien sachant à ce qui lui arrive qu'il est quand champion, quoi. même. Enfin, c'est censé quand même être un champion, donc il s'en prend peut-être un peu trop dans la gueule pour ça. Ouais. Mais sinon, non, mais vraiment un match bien sympathique. Et puis. Puis voilà, donc on aura un Fatal 4-Way match pour l'Intercontinental Championship à Extreme Rules. qui s'annonce dantesque, évidemment. Une fois de plus, je pense que c'est le match intercontinental qui va rafler la mise au gauchomètre. Ouais, bah là, pour le coup, c'est. Enfin, c'est quand même Cesaro, Owens, Zayn, et même le Miz que j'aime beaucoup C'est ces temps-ci, quoi. excellent, mais les gens ne le savent pas, mais les gens adorent le Miz. Les gens Ouais, adorent ouais. le Miz. Puis C'est le heel c'est un peu la parfait. famille maintenant, le Miz, quoi. On l'a depuis tellement longtemps. Ah, on s'est attaché à lui, hein. On va passer à une petite séquence chez les filles avec la promo de Becky Lynch, qui donc est en interview plutôt avec Renee, qui explique donc Avec que René. Renee Young, la femme de Dean Ambrose, le salaud. Mais bon, bref. Ah, je pensais que c'est la femme de Darren. Non, non, elle est avec Dean Ambrose en ce moment. Peut-être anciennement avec Darren Young, je ne sais pas. Mais bon, bref. On est en mode La blague voici, est tombée là. à plat, mais c'est pas grave. Ah, merde. Attends. Darren. Ah, oui, bah, Renee Young, Darren Young. Putain, je suis con, Je moi. ferai la même avec Eric Young le jour où on parlera d'NXT. D'accord. Je vous l'ai prévenu. Donc, parlons de Becky Lynch. S'il Becky vous plaît. Lynch qui sort. Et là, c'est un peu la même promo à chaque fois. C'est-à-dire, genre, ah, attends, je vais sortir mon last Les kicking, beautés du machin. cul. Et donc, oui, non, elle s'est fait attaquer donc, la semaine dernière à la fin du match par Emma. Enfin, Emma a gagné en lui mettant les doigts dans l'œil. Ou le doigt dans l'œil. Et donc voilà, elle dit ah, la prochaine fois, attention, je me vengerai, blablabla. Et donc, à ce moment-là, nous avons Emma qui arrive et qui se fout de sa gueule et qui lui dit tiens, en parlant d'œil, tu devrais avoir des yeux derrière la tête. Et là, bam! Qui débarque. Qui qu'est-ce qui arrive? Dana Brooke! Dana Brooke, mesdames et Formidable. messieurs. Dana Brooke qui est pas une catcheuse de ouf, mais qui est vraiment une bonne heel à NXT. Ouais, donc l'enforcer, manager d'Emma à NXT. Donc voilà, elle l'attaque par derrière, elle fout par terre, et puis après elle fait son. Enfin, j'allais dire célèbre, mais si vous regardez pas NXT, vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'elle fait une tapotage deux fois sur la tête des gens pour les énerver. Et elle fait. On te finira une autre fois, Ouais, et puis son célèbre, Playtime is over. ah, je sens qu'on a un fan hein, de Dana Brooke. Dana Brooke est moche, mais elle est très drôle. Non, Si, non mais je l'aime t'imagine bien dans un premier rendez-vous galant. Écoute, tu es très moche, mais tu es très drôle. bien. Donc on partage la note si tu veux. Non, non, je serai en mode total fanboy quand Alexa Bliss arrivera à Raw, j'espère un jour. Ah bah on a vraiment du lourd qui arrive aussi du côté des filles. Hein. On parle souvent des four horsewomen. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Dana Brooke dans le ring, on ne sait pas trop finalement parce qu'on finalement des matchs elle n'a pas eu tant que ça. Non. Bon c'est solide sans être très voilà c'est pas très impressionnant. Mais clairement sa team avec Emma est super quoi. Vraiment c'est une très bonne team de heel. Et moi je suis content de l'avoir débarqué. J'étais un peu frustré de voir Emma débarquer dans le main roster. En plus je crois que c'était à WrestleMania pour le match d'ouverture. Enfin voilà ils avaient fait un 5 contre 5. Pour une raison un peu. Enfin, sans raison, justement, Emma est débarquée. J'étais un peu frustré de ne pas la voir venir avec une séquence d'introduction avec Dana Brooke. Voilà, on rattrape tout ça. Voilà, ça fait une bonne storyline. Voilà. Bon, par contre, là-dedans, quand même, on oublie que Becky Lynch se fait un petit peu martyriser et redescend dans la carte, mais bon, tout Ouais, le monde. attends. Enfin, Ouais. non mais dans le sens où à la fin de la séquence, elle est vraiment en train de pleurer par terre, quoi. Tu fais genre, ah, non mais on regarde quoi là? C'est une série sur du bizutage au Ouais, c'est collège. physique ou chimie ou je sais pas quoi, toutes ces séries d'ados avec des mecs qui sont bizutés dans les toilettes. Ouais, c'est sûr. Bah, on est un peu frustré parce que ce Mais soit faut autant casser. Becky Lynch que Sasha Banks, bah voilà, WrestleMania est terminé. Bah, il faut les occuper. Et alors, bon, bah, Sasha Banks, je sais pas trop avec quoi elle s'occupe, mais bon, au moins Becky Lynch, elle a une feud. Une Ouais. rivalité avec bah, deux filles qui viennent, ou en tout cas reviennent de NXT. Au moins, elles ont quelque chose. Et voilà. Après, c'est sûr que Becky Lynch, en PLS, en train de pleurer, ça casse un peu son image de ass kicker, là. Ouais. Voilà. Faire attention un petit peu quand même. On a un gimmick ou on n'a pas un gimmick, quoi. Ouais. Et ça serait bien qu'elle se trouve une alliée comme par exemple, attention, transition, Paige qui était de retour ce soir. On a appris en début de soirée qu'il y avait donc un match Charlotte contre Paige. Et un peu plus tard en backstage, Shane croise Charlotte et Ric Flair qui viennent demander à ce que la stipulation d'Extreme Rules soit retirée, c'est-à-dire le fait que Ric Flair soit banni du ringside. Et bah Shane il fait totalement le contraire puisqu'il leur dit eh bah, il sera banni au pay-per-view et ce soir donc du ringside. On passe donc à Charlotte contre Paige. On avait Natalia au commentaire qui a répété 300 fois que Charlotte était une fille à papa et qu'elle n'avait pas confiance en elle. Ouais. Et c'était. J'ai trouvé ça très chiant, elle avait rien à dire. Et. Non. Ah, Nathalie au micro, voilà. Alors Nathalie au commentaire. Et on a presque l'impression, enfin, elle est tellement négative dans ses propos qu'on a presque l'impression. Enfin, elle donne un petit feeling ill en fait, Natalia, disons. Ah oui, ouais, non, non, mais ça lui va bien en fait, je trouve. Ce petit feeling in dont tu parles, Natalia, parce que bah c'est pas une fille qui a l'air forcément aussi sympa que son personnage de face voudrait Ouais. laisser croire, donc j'aime bien aussi ce côté pas si sympa que ça, toi, qui crache un peu sur le dos. Tu te rends compte que aussi bien les Flair que les Hart, Ouais. voilà, il y en a aucun vraiment, c'est pas des familles gentilles, toi. Et donc le match était vraiment bon avec enfin pour moi avec un retour en forme de Paige Ouais, j'ai ouais. noté comme disaient les Anglais stiff as fuck parce que elle fait beaucoup de mandales de kicks son running knee elle en a fait quelques-uns aussi très agressif comme match en général justement parce qu'il y a Paige quoi vers la fin du match Natalia tente de distraire Charlotte. Paige lui fait une sorte de power slam. Il y a un two count. Ensuite, Ric Flair arrive parce que voilà, s'il y a une intervention de Natalia, Ric Flair, bah, il est pas content. Ce qui est un peu marrant du coup. Pour le coup, Natalia il est Ric Flair un peu le sauveur. Mais donc voilà, il arrive. Paige se prend un backbreaker de Charlotte, mais à ce moment-là, Shane arrive et dit, enfin, il dit rien du tout, il amène la sécu, qui s'occupe de Ric Flair. Pendant ce temps-là, Charlotte, qui est scandalisée, se fait avoir par Paige, et Paige gagne par un roll-up. Victoire de Paige. Dommage pour le roll-up. J'en peux plus des roll-ups chez les filles, mais content parce que pas content et pas content. C'est dommage de faire perdre Charlotte juste avant le pay-per-view parce que ça la montre un peu faible et elle était déjà montrée comme une tricheuse, etc. Et donc du coup, enfin ouais, moyen. Mais par contre, je suis super content pour Paige qui a fait un super match et qui, je l'espère, va atterrir dans une storyline la semaine prochaine. Parce qu'elle en a besoin et puis parce que tout le monde l'aime, Paige. Non? Ouais. Bon, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aiment. Je pense qu'il y a quand même des gros fanatiques sur les cahiers du catch. Je balancerai pas les noms, ils se reconnaîtront. Mais ouais, c'est plutôt. On imagine très bien, effectivement, si l'issue est du match à Extreme Rules est favorable à Charlotte, Paige aurait tout naturellement un statut de first contender validé par cette victoire. Par un roll-up, certes, mais bon, de temps en temps, un roll-up, voilà. C'est vrai qu'on en a tellement bouffé des roll-ups que bah, c'est devenu épidermique, qu'on veut plus en voir un seul. On remarquera cependant que, là, je fais une digression, mais contrairement à il y a quelques années, il y a beaucoup, beaucoup de roll-ups qui sont cassés. Toi, c'est plus genre le roll-up fonctionne du premier coup, toi. Même dans les matchs de filles, alors là, je sais pas s'il y a eu des tentatives, mais même dans les matchs de filles, les roll-ups, t'en as pendant le match et ils sont cassés, toi. C'est devenu plus une ficelle pour le match, pour rajouter un petit peu de suspense. C'est pas juste un finish un peu dégueulasse, quoi. Moi aussi, je suis content pour Paige. Après, bon, moi, je l'avais un petit peu oublié, Paige, tout comme elle avait été un peu oubliée dans cette histoire de révolution, notamment avec WrestleMania, où elle s'est retrouvée dans le 5v5. Bon, Ouais. beaucoup de gens étaient attristés. Mais voilà, elle revient tranquillement, une bonne victoire. Et donc, Et ouais. effectivement, on s'est retrouvé encore avec cette rivalité qui finalement est plus entre Ric Flair et Natalya qu'entre Charlotte et Natalya. Parce que Ric Flair, s'il pouvait en venir aux mains et avoir son match face à Natalya, je pense qu'il serait très heureux, toi, finalement. Pourquoi pas un Ric Flair versus Natalya Oh là, moi, pour. j'ai pas envie de voir ça, moi. J'ai Non, pas mais en envie. dark match, Ouais, d'un très, très, très dark. très très dark match. Mais, ouais, non. J'espère. Enfin, j'espère. Je vois pas comment ils vont pas faire gagner Charlotte à Extreme Rules. Parce que. Natalia, autant. Je l'ai dit dans ce podcast, j'aime beaucoup Natalia. Enfin, sa personnalité en général. Mais là, ces derniers temps, je trouve qu'elle n'a pas été vraiment au niveau de. C'est vraiment. Bah, pour le coup, c'est vraiment Charlotte qui fait. Je pense vraiment le boulot dans les matchs. Et elle fait son moveset d'il y a 2 ans, quoi. Donc. Ouais, non, mais comme on a comme c'était Giscard à l'épisode précédent l'avait souligné, c'est vrai qu'on attendait de Natalia qu'elle porte un peu, justement en tant que vétéran, qu'elle porte Charlotte, qui avait encore quelques faiblesses, notamment sur son jeu in-ring, les séquences entre les prises et l'interaction avec le public, et les séquences au micro, etc. Bah finalement, c'est pas l'inverse, mais presque, toi, finalement, où Charlotte a complètement. C'est bon, a bien cerné son personnage, elle est plus assurée dans le ring. Elle prend un peu plus de temps, même si je trouve qu'elle pourrait encore faire mieux pour vraiment taunt le public pendant les séquences, on va dire, entre deux prises. Ouais, Natalia, elle est un peu en dedans, quoi, hein. Vivement qu'on passe à autre chose. Ouais, bah ouais, pareil. On passe au pays de l'Est avec Rusev, le number one contender pour l'US Championship. Donc, il y a un match prévu avec Kalisto à Extreme Rules qui arrive pour se battre contre Sin Cara. Kalisto est en ringside et Rusev domine totalement. Normal, c'est Rusev. Enfin, je dis normal, c'est Rusev. Il n'y a pas si longtemps, il dominait un peu moins, mais bref. Kalisto, au bout de Qui quelques dominait minutes. la il était quand même TV champion, hein, n'oublions pas. Ah ouais, mais c'est. Télévision champion, C'était. où il avait, souvenez-vous, il avait volé un moniteur. Alors, je sais plus c'était dans quel pay-per-view. Ah, je Il me avait souviens pas de ce truc. peut-être le Royal Rumble, peut-être. Je sais plus. Où il était reparti avec un des écrans de contrôle. Et il avait posté ça sur Twitter et s'était autodéclaré Télévision champion. Donc D'accord. c'est pas n'importe qui, le mec est légitime, toi. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un titre non, c'est pas TV Champion, c'est C'est bah, la ATNA. TNA, Ouais. mais je suis pas sûr qu'elle Enfin, il y existe avait. encore. Ouais. Mais enfin, bref. Revenons au match qui était donc voilà une grosse domination de Rusev jusqu'à ce que Kalisto crée une distraction pour. En bon face. En bon face, oui, une nouvelle fois un peu. Un peu un move heel d'un face. Et donc, victoire de Sin Cara. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Par roll-up! Ah ouais. J'ai marqué en gros un booking de merde. Alors que Rusev est censé être pushé depuis qu'il a gagné le contendership. Bah voilà, il fait un hyper juste avant. En plus, je crois qu'il s'énerve même pas, il le détruit même pas, il se tire. Ouais, ouais, Donc, ouais. non mais reconstruisez notre Russie d'antan, quoi. Bulgarian brute, quoi. Bulgaria. Voilà, le mec il s'écrit brute en gros sur son slibard. Et il se voit par un roll-up et il part tout gentil, tel le premier Brock Lesnar venu se faisant éliminer du Rumble et se disant, bah finalement c'est pas si grave que ça. Ouais, ah oui, putain, Tu te c'était magnifique. souviens, En tout le plus. monde était là, mais genre le mec il vient de se faire honteusement, En enfin plus, la honteusement. réal. La réal était géniale parce que juste après l'élimination, ils l'ont filmé pendant au moins 5 secondes, le Le mec petit est reparti ring. penaud, la queue entre les jambes, triste, mais c'est pas grave, c'est que le Rumble. Ah putain. Je suis que Brock Lesnar, après tout. Non, Je mais là, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour revenir à Rousseff, ouais, pas très cohérent là, cette construction. Le mec, il faut le montrer costaud, toi. Il faut le montrer solide. Il faut le montrer en train de juste d'exploser et de d'écarteler Sin Cara. À la limite, si je dis pas de bêtises, il reste encore un ou deux épisodes. Je sais pas combien d'épisodes il reste avant le pay-per-view. Je ne saurais pas dire, je pense qu'il reste 2 épisodes, ça va être à la fin du mois, ouais. Je Ouais, pense que ça va enfin, être le peu 29. importe, voilà, effectivement, tu peux, même pendant un SmackDown, toi, tu peux le faire perdre sur un roll-up parce que y a distraction de Kalisto, toi, pour monter un petit peu la mayonnaise entre les deux. Mais là, il faut. Ouais, là, le mec, il faut qu'il démonte tout, surtout que personnellement, j'ai bon espoir qu'il remporte le titre à Extreme Rules, Ah toi. oui, il Donc, faut, non mais il faut là, tout ça. j'aimerais un champion dominateur, un Rousseff tel qu'il est. Un Rousseff des vieux jours, toi. Ouais, Une puis brute. faire revenir l'US Championship dans la carte du pay-per-view et Ah le ouais. sortir du On y va, les pré-show. gars. On y va. C'est bon, Ryback est parti. On y va avec Rousseff. En plus, comment dire, Lana, on retrouverait presque la Lana des vieux jours aussi, toi. Elle a plus qu'à faire à commander à Rousseff en lui disant crush. Bon, je sais plus quelle était son expression, toi. Mais toujours est-il que ça fait plaisir aussi de revoir un peu Lana, un peu moins 80s girlfriend à l'époque de Dolph Ziggler, hein, et un peu plus la Lana froide. Voilà, qui fonctionnait super, qui donnait vraiment un personnage super intéressant. Bon, bref, là ils sont un peu plantés, c'est pas grave, on peut imaginer qu'il va détruire, il va désosser des jobbers à tire-larigot jusqu'au pay-per-view, enfin j'espère. Et puis j'espère que donc du coup ouais ils deviennent champions et puis qu'après qu'on mette une vraie rivalité sur l'US Championship avec je ne sais pas qui mais en tout cas trouver Bah, la dernière. quelqu'un. Ouais, la dernière fois j'avais. La dernière fois j'avais. Enfin, comment dire, c'est tout trouvé, je dirais, avec pourquoi pas Sheamus et Del Rio. Voilà, les mecs, ils se sont quand même mis sur la gueule en Ouais, bonne et mais due forme. il contre il? Bah, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Enfin, on va pas faire la fine bouche, au contraire, ça donnerait quand même des sacrés matchs, hein. Peut-être Ouais. pas tout de suite, mais peut-être qu'effectivement tu lui fais bouffer un ou deux face avant. Sheamus, il ferait mieux de retourner face pour moi, mais Ah non, non. Je sais pas, hein. Souviens-toi, les gens que Sheamus face. Ouais. Sheamus face, c'est Sheamus qui fait des blagues à la con sur ses grands-parents dans son vieux pays d'Ir. C'est pas Jojo non plus, toi, donc. Non, mais en fait, l'embêtant c'est qu'il a. Oh mon dieu, mon PC qui me dit vos périphériques doivent redémarrer. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends toujours, ouais. Ok. Bah, je sais pas, t'as une mise à jour Windows Planifié, mon dieu. Tout va bien, tout ou. va bien. Le podcast est sous contrôle. Non, non, c'est bon. Donc Mais voilà, bon, bref. j'ai mieux le montage que certains monteurs d'euros, hein. Il y a une époque où, putain, c'était n'importe quoi. Heureusement qu'on n'a pas engagé le mec qui avait filmé l'entrée de AJ Styles au Royal Rumble. Je me Hein. souviens pas, mais Un mauvais moment. d'accord. On va passer au match suivant. Donc, tag team match entre le New Day et les Dudleys. Donc, le New Day, c'est cette fois-ci, ça va être Biggie et Kofi. Enfin, d'intéressant, de particulier à dire sur le match, à part le fait que les vaudevillains. Qui sont number one contender, donc qui vont se battre contre les New Day à Extreme Rules, arrivent pour intervenir vers la fin, ce qui permet une petite distraction à Devon qui fait un tombé contre Kofi Kingston, et ensuite Kofi Kingston qui se fait massacrer par les vaudevillains. Donc voilà, il s'attire de la heat en plus sur Kingston qui est un peu, je pense, le plus populaire du New Day. Avec Ouais, non, non, mince, non. Je pense Austin qu'en fait, Creed, c'est juste. non, pas Austin Je Creed. pense que c'est le moins populaire, Ah bon? toi. Ouais, en tout cas, c'est Kofi Kingston, c'est le D3, c'est celui qui est le plus en retrait. En tout Ouais. cas, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'au début du New Day, mais franchement, Xavier Woods, c'est lui qui balance toutes les punchlines, qui fait le show. avec son trombone là. Ah oui, Et ouais. Biggie, il est énorme, toi. Biggie, Et il est. je pensais plus au fait que Kingston, c'était un peu le... Pareil, comme je disais, la famille, c'est-à-dire que Kingston, les gens le connaissent depuis bien longtemps, et puis Ouais, c'est ça. il a été face depuis toujours. Ah ouais. C'est un des plus longs face en activité quand même, hein, Kofi Kingston. Je Donc... pense qu'il a été aussi longtemps face que comment il s'appelait, mince. John Comment Cena? Non, je voulais faire une vanne, mais ça tombe à plat, c'est malheureux. Comment s'appelait ce mec qu'on pensait à chaque fois qu'il était viré de la WWE, mais en fait non, il travaillait toujours. Avec ce gimmick de rappeur. Antoine. Non, avec le gimmick de rappeur. Artrouf? Ah non. Ouais, nos auditeurs nous le rappelleront Je ne sais plus. en commentaire sur les cahiers du catch. Je ne sais plus. Mais donc voilà, le match pas forcément intéressant, mais par contre, ce qui est bien, c'est que pour le coup, les votes vilains font vraiment, vraiment Des des vilaines trucs jokes. de heal, quoi. Des Ils font des vilaineries. vilaines. Ouais, et puis avec les Dudley Boys qui les avaient un petit peu secoués la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans le 4v4 avec contre Big Cass et les New Day, où tu avais Booba qui, grosso modo, tauntait un petit peu les vaudevillains en leur disant, bah regardez, c'est comme ça qu'on fait du boulot de heel sur un ring. Donc c'est pas incohérent, je pense qu'il y a voilà, un petit lien entre les Dudley et les vaudevillains qui aille un peu au-delà du simple fait qu'ils sont alignés de la même façon, toi. Donc ouais, ce bonne séquence, bon qui est assez voilà, qui est pas très originale, mais qui permet d'attirer encore plus de hits aux vaudevillains qui en avaient déjà suffisamment suite à l'incident du pay-per-view précédent. Donc, je suis impatient, je suis un peu, je sais pas toi ce que tu imagines pour l'issue d'Extrême Rules concernant le match entre les New Day et les vaudevillains, mais. Moi, je les vois gagner. Peut-être avec une petite triche ou je sais pas quoi, mais je les vois vraiment gagner, votre vilain. Ouais. Alors, Parce... moi, un truc, je sais pas exactement, mais à combien de temps est la durée du règne des New Day, mais je crois qu'ils sont peut-être troisième en troisième position concernant la durée du règne du titre de tag team. Mais s'il y avait pas eu ce malheureux incident de règne pour les prime time players, je pense qu'ils auraient battu la durée du règne. Mais justement, je me demande, si arrivé à Extreme Rules, ils auront battu le record du règne ou pas? C'est le seul, on va dire, le seul variable que je mettrais dans l'équation. Sinon, effectivement, je vois bien les vaudevillains remporter la mise, toi. Ouais, et puis faudrait quand même. Alors peut-être c'est mon côté quand mec qui. Enfin, pour les gens qui suivent moyennement le catch, peut-être qu'ils sont pas lassés, qui regardent pas SmackDown, qui regardent pas, etc. Mais New Day, ils commencent à, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de, je sais Ont pas. plus... C'est surtout qu'ils ont plus besoin de la ceinture. Ouais, ils ont plus besoin de la ceinture. Tout le monde les aime. Et puis voilà, il y a besoin d'un petit challenge parce qu'ils sont un peu, ils font un peu tout le boulot tout le temps, tout seul, quoi. Ils sont au micro pendant 10 minutes, il n'y a personne pour leur répondre. Donc voilà. Mais les vaudevillains sont parfaits justement pour leur donner la réplique, hein, parce qu'ils représentent un peu l'opposé total en termes de mode de vie et toi de délire, etc. Quand t'as les gentlemen d'un côté et les gars lubriques de l'autre. Donc Bravo. cette rivalité est plutôt bonne. Et effectivement, le fait de perdre le titre rajouterait quand même. Enfin, ça ferait du bien, je pense, au New Day, si je puis dire. Là, je regarde la vite fait, la liste des champions, toi, la durée des règnes. Actuellement, les New Day sont à 265 jours de règne. Ah ouais. Ce qui est énorme, hein. Juste devant eux, Carlito et Primo. À l'époque de The Colons, c'était en 2008. Bah dis donc, d'accord. Et les tenants du titre, je crois que c'était The Great Tag Team Ever, un truc comme ça, non? Paul London et Brian Kendrick, ah, peut-être pas, je me plante. Oula, moi je suis trop jeune pour ça. C'était en 2006, mais je n'ai pas connu non plus, toi. Non. Attends, on y connaît rien en catch, tu vois. Mais voilà. Non, non, merde, on va Mais le record est de perdre tout notre public. accroche-toi bien, 331 jours. D'accord, donc ouais, Donc ça fait quasiment un encore an. 2 mois à tenir. Donc je sais pas s'ils vont y aller, toi. D'accord. Ah, s'il n'y a pas une comment? Genre, j'allais faire une blague sur le règne de AJ Ouais. sur comment? Ah oh, putain, Nikki qui je me souviens plus. Ouais, a battu le record. Nikki qui bat le record pour battre celui d'AJ. Donc voilà, et on passe au main event enfin, parce que pour moi c'est non mais Oui. enfin alors c'est pas le main event Le main event, non. officiel, mais c'est le main event. Donc c'est le tag team elimination match qui était prévu donc dès le début du d'Euro entre le Bullet Club, c'est-à-dire AJ Styles, The Club. Anderson et machin. Oui, qui s'appelle désormais The The Club, Club. c'est officialisé, hein, on peut dire ça. Hein. Je sais pas s'ils ont commencé à faire genre ne serait-ce que des t-shirts ou quoi que ce soit, mais en tout cas AJ Styles dit The Club is back. Donc contre forcément Roman Reigns et Family. ses cousins des Usos. On aura eu juste avant, enfin juste avant, pendant l'Euro, une promo d'AJ Styles qui explique que le club est de retour et qu'il considère que tout est permis contre Reigns maintenant, puisque Reigns, je crois, lui avait foutu Un coup de un coup de chaise, ouais, la chaise, semaine ouais, bah, dernière. ouais c'est ça, suite, la semaine Alors que dernière, c'était contre. AJ Styles avait refusé au moment où Anderson et Gallows Mais lui ont Reigns n'a pas proposé. vu, Reigns n'a pas vu. Mais Reigns n'a pas vu, et Reigns est un con. Tu sais, Reigns, c'est le spécialiste de rester 20 minutes aux abords du ring à moitié assommé avant de revenir. Donc ça Ouais. ou à l'infirmerie. Il a un petit matelas en dessous du ring pour ses pauses. Ouais, un petit oreiller, une petite lampe de chevet, un bouquin et. Donc, on a eu aussi une promo de Reigns qui vraisemblablement dit la même chose de son côté, mais la version d'Euro que j'ai regardée avait la promo de couper au bout de 5 secondes, donc à mon avis c'était fait par quelqu'un qui n'aimait pas Reigns. Donc, Putain, c'est le network. je suis abonné au network, alors c'est bon. Ah, oui, Ils ont qu'à mettre Raw sur le network, bordel. oui, je suis d'accord. Ça ferait l'objet d'un podcast spécial, ça. Hein. Ouais, mais ils le feront jamais. Parce qu'ils se Voilà. feront pas assez d'argent avec ça. Eh ben oui. Donc, Tag Team Elimination Match. Un match bien sympa. On Ouais. voit que Gallows et Anderson sont très bons en agressivité, même en rapidité. Beaucoup de gros kicks. Reigns et les Usos font quelques combinaisons aussi. Un peu plus de cohérence, finalement, entre Reigns et les Usos par rapport à d'habitude, j'ai trouvé. Un match vraiment sans temps mort, très sympa à regarder. Dommage qu'il y ait eu une élimination pendant la pub aussi. Ça c'est bon. Après c'est on Ah, savait déjà. c'est l'Amérique. Voilà, c'est l'Amérique et c'est les nécessités du business de la WWE. Et donc j'ai noté. Alors j'ai pas noté toutes les éliminations, mais élimination de Jey Uso par roll-up en premier. Donc, ça devait être Anderson qui l'avait éliminé. Ouais. Anderson, On a eu un moment plutôt sympa entre Anderson contre Reigns aussi. Anderson qui se fait éliminer par un autre Uso, donc c'est Jimmy. Bref, ça finit en clair avec Reigns contre AJ Styles, même s'il y a un peu de bordel autour du ring parce que tout le monde continue à se battre. Tout à la fin. On a eu une séquence qui était vraiment super cool, où Reigns est donc sur le ring, AJ Styles est dehors. Entre-temps, ils se sont mis violemment sur la gueule, hein, AJ Styles s'est pris la table des commentateurs et tout ça, enfin bref. Oui. Donc Reigns a une chaise à ses pieds, et il regarde AJ Styles qui hésite à remonter pour caser son flying forearm. Et donc Reigns qui le regarde et qui fait j'ai pas besoin de ça, et il lui balance la chaise. Voilà, c'est la tension, est-ce qu'il va utiliser la chaise ou Ah, pas? qui craquera en premier? Donc finalement Styles se décide à monter sur la troisième corde pour sauter. Reigns a récupéré la chaise, enfin passe en dessous et récupère la chaise, et au moment où il se retourne pour toucher AJ Styles se tire rapidement. Donc un peu en heel finalement, parce que voilà, il refuse le combat. Donc voilà, c'est tout sur ce match. Ce match m'a vraiment. Alors, autant j'ai lu à droite à gauche qu'il y a des gens qui étaient très intéressés par la rivalité déjà depuis quelques semaines, mais ce match m'a vraiment convaincu Ah. de Ça y regarder est, tu Reigns nous contre Rusev. rejoins enfin, tu rejoins Ah, ceux ben. qui aiment cette rivalité. Ouais, parce que là, on a. J'aime. C'est assez. Enfin, original. Du moins par rapport aux dernières années, Ouais. d'avoir une rivalité où on a un face que enfin on a deux faces, on Ouais, c'est a ça. une top star de la compagnie qui est détestée, enfin un moitié détestée par le public, on a un mec que tout le monde adore mais qui penche de plus en plus vers le heel. Et donc voilà, plein de choses qui peuvent se Ouais, passer. bah, Un j'irais même plus bon. loin que tu parles de qui penche de plus en plus vers le heel. En fait, là, moi, la façon dont je vois les choses, et c'est là où je trouve que c'est très original et plutôt bien amené, c'est que, comme tu dis, on a deux faces, mais que les deux glissent vers ce côté obscur en même temps. Ils s'entraînent l'un l'autre, toi. En fait, autant AJ Styles que Roman Reigns. Clairement, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de faire une heelerie ou un sale coup, ils le font pas. S'ils finissent par le faire, c'est parce que c'est par la force des choses, et c'est souvent des choses qu'eux n'ont pas vues, toi. Les Usos qui s'attaquent à AJ Styles parce qu'ils pensent que AJ Styles s'en prend à Roman Reigns qui est offert par ses deux potes. Roman Reigns qui finit par s'attaquer à AJ Styles parce qu'il a rien vu de ce qui s'était passé. Progressivement, toi, le mec AJ Styles qui revient avec ses potes parce que bah, il en a marre de s'en prendre plein la tronche, alors que, enfin, malgré tout, clairement, les deux progressent lentement vers un côté un peu plus obscur. Et finalement, je suis même pas sûr qu'aucun des deux va devenir heel, toi. Je pense qu'on va vraiment rester sur cette tension entre les deux, qu'on montre vraiment un autre visage, une autre facette des deux personnages, un peu plus revanchard, toi, un peu plus. Toi, clairement, tout est dans l'histoire. Moins dans les personnages, mais tout est dans l'histoire. Comment on amène deux mecs qui veulent être réglo, finalement, s'en mettre plein la tronche. Parce qu'il y a des mauvaises influences d'un côté, avec les vieux copains d'AJ qui reviennent, ou alors parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, comme Roman Reigns, qui pense que voilà, on s'en prend à lui, on s'en prend à sa famille, etc. Et, Donc ça, c'est vraiment, je trouve, très original et super intéressant et vraiment bien écrit. on note aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a eu une petite vignette sur le fait que Finn Balor revenait cette semaine à NXT. NXT, ouais. Donc, tous les gens qui pensent que Finn Balor va arriver, qui va s'allier à Anderson contre, enfin Anderson et Ouais. Gallows contre AJ Styles, tout ça, ça n'arrivera pas tout de suite, en tout cas. C'est Balor, apparemment, il a encore signé au moins pour, je pense, au moins jusqu'au prochain takeover chez NXT. Donc. Ouais. Le mec, on ne sait pas trop exactement s'il va venir faire quelques piges. Voilà. Bon, il a déjà repris le J'espère chemin pas, des moi. rings. Moi, je veux pas qu'il arrive comme. Tu veux pas le voir monter, quoi, au main Non, mais roster. non, je veux pas le voir. C'est pas une Tu question de quoi. Non, Tu veux que ça se je corse veux pas quoi? le voir arriver comme Apollo Crews, quoi. Je veux pas le voir arriver comme. Enfin, Je tu. pense pas qu'on a que qu'il Non, arrive non, non, comme non, ça. mais ce que il va pas arriver comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas le voir arriver et que ce soit pas un événement super attendu. Il faut absolument enfin, c'est Finn fucking Balor, bordel. Ouais, c'est le plus long, enfin, le champion plus long règne de NXT, c'est le visage de NXT. Ouais. Le mec, enfin, clairement, il est amené à régner d'une certaine façon à un moment donné sur le main roster. Il est voué au titre, quoi, évidemment. Je suis d'accord avec toi. Toute cette histoire façon de Bullet Club, je pense que tout le monde doit un petit peu diminuer ses attentes. Parce que je suis pas sûr que la WWE ait non plus les largesses pour pouvoir utiliser déjà ne serait-ce que le terme du Bullet Club, hein, ça m'a l'air assez verrouillé du côté du Japon. Et puis en plus, de toute façon, ce serait bien trop compliqué de transposer Ouais. ça et en plus de faire comprendre l'historique Ouais, c'est entre tout le compliqué. monde et avec ça en plus, le principe de base est totalement pas transposable puisque le principe de base c'était des Occidentaux qui. Ouais, des fameux Gaijin, quoi, qui débarquaient au Japon, et c'était un club de heel, comme tu dis, des étrangers. Donc là, effectivement, les gars, ils sont sur la terre de l'oncle Sam, donc on peut pas jouer. Je pense que, franchement, ils ont fait. Là, actuellement, ce qu'ils font, c'est très bien. C'est plein de sous-entendus, en fait. On explique vaguement pour le grand public, voilà, ces deux potes des Gestals, ils viennent tous du Japon, voilà, ils se connaissent, ils reviennent, mais c'est des copains peu fréquentables, finalement. Et voilà, ils sont, c'est des associés, et voilà, et c'est The Club. Et puis c'est tout, toi. Cette histoire de Bullet Club, Finn Balor. Alors, le seul truc, c'est qu'effectivement, ils avaient créé le Balor Club, toi, NXT, t'avais les t-shirts et tout. Bulletproof. Bulletproof Ils Club. ont réussi, ils ont réussi à mettre Bullet et Club sur le même Ouais. t-shirt, mais pas l'un à côté de l'autre. Je pense. Alors après, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'ils vont faire un truc, Finn Balor va débarquer et ils vont jouer la carte du club, du Bullet Club. Mais je pense que autant le Balor Club, le Bulletproof Club et maintenant The Club, je pense que c'est autant de tentatives, plus ou moins voilà, réussies ou non, de la WWE de capitaliser sur cette historique. Pour plaire à la fois aux smart, aux suiveurs, aux mecs qui connaissent vraiment bien l'historique du club, et en même temps entraîner le nouveau public qui les connaît pas dans cette histoire. Et comme tu dis, mettre Finn Balor là-dedans en faisant jouer le fait que c'est lui à l'origine qui a créé le Bullet Club, qui est Gestal, et le deuxième voilà, a pris sa relève, ça va être compliqué, toi. Ça va être compliqué. Ouais, et puis voilà, je pense pas que ça intéresse forcément les gens. Et puis Balor, on peut construire plein de choses avec son personnage, Ouais, donc . bien sûr, il a pas besoin de ça. Peut-être qu'on sera surpris, mais ça en prend pas le chemin. Et là, la façon dont il gère ça, c'est très bien. Donc voilà, on avait je crois terminé. Ah oui, si, j'avais oublié, je voulais le caser à un moment, mais c'était le Nawak, une autre séquence. Oh. Le Nawak de Raw. Cette semaine, deux Nawaks. Tout d'abord, la séquence Make Darren Young Great Again Ah avec oui. Bob Backlund, qui va devenir le life coach de Darren Young pour le faire remonter dans la carte. C'était une espèce de. Enfin, c'était très bizarre. Ça ressemblait à ouais, un clip de campagne. Ah bah oui, évidemment. Mélangé à, je sais pas, ouais, un montage un peu, bon, un peu étrange. Et Ouais. donc voilà, c'était très con. Et on Ouais. apprend aussi, alors je casse juste après, on apprend aussi que donc Primo et Pico Arrive la reviennent semaine prochaine. en tant que Shining Stars. Donc ils vont arrêter de nous faire des cartes postales de Porto Rico, c'est déjà bien. Ouais. Bon, un nom de team vraiment. Et j'ai noté, genre, quand on pense qu'il n'y a eu aucune vignette pour l'arrivée de Enzo et Cass, et que eux, ils en ont eu, Ouais. leur spot publicitaire, il y en a depuis 2 mois, quoi. Enfin, bref. Ouais. C'est là où tu vois effectivement le deux façons d'introduire des équipes totalement opposées. Et il y en a une qui fonctionne. Il y en a une, tu sais, qui va pas fonctionner. Enfin, peu d'espoir pour nos amis des Caraïbes. Bon, ils vont faire peut-être un peu de comédie, probablement du comédie wrestling, toi. Mais ouais, effectivement, ça mérite bien sa petite séquence Nawak. Et juste pour revenir à la séquence précédente avec Darren Young, je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont dit le W word un paquet de fois dans cette séquence, le mot wrestling. Ah, d'accord. Non, Alors, j'avais pas, pour j'avais nous, pas. ça peut paraître complètement ouf, ouais, enfin complètement idiot, mais prononcer the wrestling à la WWE, c'est un peu. C'est un peu voilà, c'est comme dire Voldemort, toi, normalement Ah t'as pas le oui, c'est le droit. moment où Buckland dit Wrestling is life ou un truc comme ça. Wrestling is life, tu fais what? Alors là, du coup ça rajoute encore plus de what the fuck à cette séquence, toi, où en plus ils se permettent, entre guillemets, de dire le mot catch, quoi. Ah mais c'est peut-être il devient peut-être de plus en plus coulant Ouais, je si pense, ce bien n'est sûr. croulant Vince. Mais Donc parce que on en a la preuve avec même si c'est pour les abonnés du network, le Edge and Christian Show qui est blindé Oh là là là là. de petites vannes sur toutes les restrictions de la WWE au niveau du langage. CM Punk, là, t'as vu, c'est sur CM Punk, là, c'était Non, pas mal. j'ai pas vu le dernier là. Enfin D'accord, les bon. derniers, je crois que j'en ai j'ai loupé les Spoiler deux derniers. alerte. Mais Mais ouais, ils ah s'il sont y a un truc bien. sur CM Punk, ça m'intéresse. Ouais. Donc voilà, et puis je finis avec ma question à la con. Un sujet dont on n'a pas vraiment parlé depuis tout à l'heure, c'est Stéphanie est-elle devenue face ou est-ce juste un petit Stratagème. stratagème, voilà, une petite stratégie, et puis ensuite elle plantera son frère dans le dos. J'ai trouvé que les séquences avec son frère pendant tout l'Euro étaient plutôt mignonnes finalement, alors je sais pas si c'est un turn, mais en tout cas la façon dont elle joue la face était plutôt marrant quand elle a renvoyé Jericho. Oh le passage avec Jericho, j'ai adoré, où elle lui fait c'est quoi déjà? Enfin, elle utilise toutes les gimmicks de Jericho, genre Ouais. Ever. Ouais, et puis ouais, puis y a un historique entre les deux, donc c'était vraiment bien vu. C'était une bonne séquence. Ouais, bah je pense que tu te fais avoir aussi, toi, par Stephanie McMahon. Si tu trouves que les petites séquences sont toutes mignonnes, toutes mimi, c'est que je pense que tu tombes dans le stratagème, Ah non, mais évidemment. j'ai eu le doute au moment où elle regarde le portrait de Shane avec Vince quand il était tout petit, où là tu sens, enfin C'est c'est très moins quand elle regarde qu'à la fin, quand elle le repose, je crois, et qu'elle quitte la pièce, où là, effectivement, sur son visage, alors est-ce qu'elle a pas bien joué le truc ou pas, ou effectivement, tu sens vraiment de l'émotion, genre, elle se rappelle vraiment les bons souvenirs. Alors qu'au moment où elle regarde le portrait, on est vraiment en train de décortiquer un jeu d'acteur, mais au moment où elle regarde le portrait, elle sourit, mais c'est plus. Moi, c'est comme ça que j'interprète, en mode, je souris, je vais te la mettre, mon gars, mais tu vas rien comprendre, toi. C'est. Accroche-toi, mon coco, toi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé justement l'indécision, là, ça se voit quand on en parle. Enfin, je pense au niveau des ressentis. Je trouvais que c'est qu'elle joue vraiment bien cette espèce de mini storyline. Ah oui, bah après, de toute façon, qu'est-ce que ne joue pas bien Stephanie McMahon, toi? Enfin, clairement, entre Shane et Stephanie McMahon, il y a quand même, il y a deux, c'est pas deux, un univers, c'est, il y en a, voilà, c'est pas la même ligue, toi, c'est pas la même division. Alors Shane progresse, mais le mec, franchement, part de tellement loin. J'ai jamais eu l'occasion encore, aux précédents épisodes, de dire tout le mal que je pense de Shane McMahon, mais le mec, au niveau acting, au niveau gestion du public. Putain, c'est pas possible, toi. Le mec, il débarque, il comprend rien à ce qui se passe, effectivement. Le C'est mec vrai est qu'il a plus toujours. le mec est plus dans le business depuis 10 ans, et ça sent. En fait, tu sais quoi? C'est le public qui fait tout le boulot pour lui. Ah Toutes ouais. les séquences depuis qu'il est revenu, le mec, il gère n'importe comment les timings, etc., les répliques et tout. Il coupe la parole au mauvais moment. Il parle alors que le public est en train de chanter. En général, dans ces moments-là, tu laisses le public, toi, dire ce qu'il a à dire et tu réagis, tu rebondis là-dessus. Lui, non, il s'en fout, toi. Enfin, clairement, le mec est mauvais. Pardon, je me défoule parce que voilà, j'ai l'opportunité de le faire. Voilà. Maintenant, le remettre avec sa frangine, avec des séquences backstage, ça va l'aider, je pense. Voilà, il joue le jeu des mignons, bah ça lui va bien, toi. Shane McMahon, il est tout mignon, toi. Mais ouais. Non, Stéphanie, pour moi, je pense que vraiment, elle joue double jeu. Enfin, j'espère. Parce que bon. Bah, ok, si vraiment elle a fait un face turn, ah pourquoi toi? C'est un peu Ouais, non, poussif ça. c'est vrai, non, mais pour le coup, je disais, enfin, la question, c'était plus qu'on parle de, pour qu'on parle de cette storyline, mais, Ouais, et ok. bien entendu qu'elle va pas devenir, enfin, elle va pas, ne serait-ce que rester face, mais, enfin, devenir ou rester face, mais donc, ouais, non, j'ai trouvé que c'était un petit truc qui a rajouté, Ouais, et puis de la peine des bons moments à cet épisode ouais, de puis Raw. cette storyline de direction bicéphale de Raw, je sais pas ce qui se passe à SmackDown, mais franchement on s'en fout, mais de Raw, elle est bonne, toi, elle est bonne, elle a été amenée mais n'importe comment, enfin franchement, Ouais. Shane qui débarque, enfin le match avec Undertaker, enfin on oublie, enfin franchement il faut faire abstraction de pourquoi Shane est là, mais il faut prendre au temps présent, tu vois. Mais cette direction bicéphale, elle est cool, toi. Elle est bien. Les deux jouent plutôt bien, les bookings des matchs et tout. Il y a vraiment, au niveau du booking de match, il y a vraiment des trucs justifiés, toi. Non, c'est bon, c'est bon. Et puis clairement, ça va durer jusqu'à SummerSlam, Survivor Series, enfin bon, voilà. Et pour le coup, C'est. on constate juste au niveau de la carte que tous les matchs où il y a un mauvais booking, à chaque fois, c'est des matchs qui sont pas annoncés par Shane et par Ah ouais? Stéphanie. Ouais, Enfin, clair. je Ouais, regarde c'est possible, hein. le Sin Cara Kalisto, il était pas, enfin, ils en ont pas parlé directement à la, enfin, Ouais, quand bon, ils il n'y étaient au avait pas grand-chose, micro. hein, c'est vrai. Et puis, je sais plus quel autre. L'Intercontinental, c'est vrai qu'ils mettent ils sont carrément impliqués dedans à 100%. Le match des filles, c'est pareil. Concernant la grosse affiche AJ Styles, Roman Reigns, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment à fond dedans, mais peut-être, je suis peut-être dans des épisodes précédents, toi. Mais ouais. Ça fait plaisir de voilà d'avoir cette vraiment une storyline qui tourne autour du booking, toi. Ça justifie les matchs, ça leur apporte, ça crée en plus du suspense avec des mecs qui, comme Sami Zayn, même si voilà c'était couru d'avance. Mais voilà, on rabat les cartes assez souvent. Ouais, c'est bon. Ouais, ils font du bon boulot, il faut le dire. Il faut le dire qu'ils font du bon taf. Donc, on va passer à la note de ce Raw. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait des bons matchs, il y avait un bon rythme en général, pas trop de creux. Mettrais même un 4 sur 5. Ouh, bah dis donc, t'es bien généreux. Oh. Bah, Est-ce que c'est. y a pas eu de grosse claque, mais en même temps, vis-à-vis du Raw de la semaine dernière qui était chiant à mourir. Enfin, j'ai vraiment pas aimé Ouais. le rôle la semaine dernière. Donc, et surtout, en fait, je mets le 4 parce que cette séquence entre Reigns et Styles, elle était Ouais. super bien, Ouais. bordel. Bah écoute. Ah, je serais. Ouais, j'hésite. Ouais, je vais mettre 3,75, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Je vais te dire pourquoi. Je vais mettre, j'aurais pu, j'allais mettre 4 et je vais mettre 3,75 à cause de la gestion de, enfin le final, toi. Dean Ambrose, Big Cass, Chris Ouais. Jericho. Ah ouais, non, c'est Sans. vrai. Ah putain, t'es en train de me rappeler que le main event c'était ça. Ouais, c'est quand même Non, le main ouais, event, quoi. non, 3,50. 3,50. D'accord. Je retire. Il y a au moins 0,50 de moins juste pour avoir mis ça en main event. Mais C'est ça. pour le coup, là, le podcast, on l'a fait en sens. On a réajusté Raw. Et du coup, si vous D'où écoutez le ce voilà, podcast, et voilà pourquoi on en arrive le là. Raw est meilleur en écoutant ce podcast, finalement. Non, mais c'est vrai que effectivement, finalement, j'aurais mis 4,25 au début de Raw quand ils annoncent Big Cass versus Chris Jericho en main event. Après la séquence d'intro, tu fais putain, les mecs, ils y vont quoi. Et à la fin, tu vois, ils se font un peu dessus. Donc tu mets 0,5 en moins, ça me paraît logique, toi. Donc 3,75 pour moi, bon 3,50 pour toi. Moi j'ai bien aimé des matchs solides, des nouvelles arrivées avec Dana Brooke, des spots, toi du suspense avec des spots pour le match intercontinental, même si c'était couru d'avance, mais bon, ça rajoute du suspense. C'est comme à la road précédente, toi, ça fait c'est bien de faire ça entre deux pay-per-view. Créer un peu de ce suspense-là. T'es toujours là? Oui. Ok. Je t'écoute. Et puis effectivement, le match, enfin Roman Reigns, AJ Styles, putain, c'est quand même bien écrit. Je sais pas, peut-être qu'on est un public facile, j'en sais rien, toi, mais c'est quand même bien écrit. Les alignements sont super bien foutus. Non mais ce qui fait... C'était, le match était solide, toi. Ouais, et ce qui fait plaisir, c'est qu'il se tourne vers de la psychologie, on Ouais. va dire de situation. Plus que des promos, parce que dès que Circonstanciel, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. ils ont commencé la rivalité avec une rivalité de promo qui était vraiment pas bonne, parce qu'ils sont Non. pas ils sont pas bons au micro les deux, même si Styles est un peu meilleur, mais c'est Non, pas enfin non. oui et non. Non, je veux dire, Il est en bas, quoi. Ils sont en bas non, de les l'échelle. deux sont pas les deux sont pas fantastiques au micro. Et donc voilà, et ce qu'il Ça faut, c'est présente. juste les mettre l'un devant l'autre dans une situation tendue, et là tout le monde a envie de voir ça, quoi. Et Bien résumé, effectivement. donc voilà. Et ben c'est tout pour cet épisode 3 de Catch Up, votre podcast des cahiers du catch. Je vous remercie d'avoir écouté. J'étais avec Yerem aujourd'hui. Yerem, merci. Merci à toi, Hank, et à la prochaine fois. On n'a pas encore de catchphrase pour finir Non, merde, il faut qu'on se trouve une cache-phrase. ce podcast. Je vais demander à New Day sur Twitter, je vais contacter Xavier Woods, il va nous trouver ça. On vous dit à bientôt et bonne semaine pleine de catch. À toutes.